Same the man. Ça prend trois jours. L'année passée, on a coulé. Cette année, on fait le tour. À cause tu fais ça même demain. Elle a tué là, pas moi pas comme ça. On a roulé en Pontiac, on a roulé sur vieille asphalte, on a roulé sur la garde, on a roulé, je vois de pas de pilote ski, t'es tanné, pas fumé, y'a pas de je me suis tourné, que t'as du blé. Tiki, à cause tu fais ça même demain. Elle a tué là, pas moi pas comme ça. Ok, un remède mal tout le monde. À Robert Val. C'est du lac Saint-Jean. Avec nous autres, ça prend trois jours. L'année passée, on a coulé. Les années ont fait le tour. Vendredi pour la huitaine, le guet est mis rendu à Chambord. On ne virait pas, mais le grand sac à tabarnak à caler l'autre qui se mettait pas sur ton dégât, t'as tout blême. Une fois, c'est le gars qui était trois, le premier, mal au quatrième, dit qu'est-ce qu'on fait? Ils vont aller manger chez nous, rendu chez eux. Tu veux-tu mettre la crème de la soie? Je vais prendre la crème de la soie, ouvre la porte du frigidaire, tombe dans le cave, tu me parles d'une place, mets un piano. Le lendemain, mouillet, il passe la gratte, il trouve 10 cents. À cause, tu fais ça, même de même! Elle a pas là, pas moins pas comme ça! Ok! Du lac Saint-Jean. Avec nous autres, ça prend trois jours. L'année passée, on a coulé. Ça n'est en fait le tour. Ok, c'est fini. Passe-moi le malin. Hey, c'est louche, mon gamin.